Oui, alors ça va être compliqué de vous avoir un rendez-vous, monsieur. Ah bon, pourquoi ? L'agenda du docteur est complet. Ah. Allô ? Allô ? Je fais comment avec ma grippe ? Pardon ? L'épidémie de grippe fait son retour et vous aimeriez consulter un médecin. Aujourd'hui, il y a Livy. Livy, c'est votre application de téléconsultation. Un médecin inscrit à l'ordre, en vidéo, sur tablette ou votre smartphone, 7 jours sur 7. Téléchargez Livy sur App Store ou Google Play. Livy, un médecin en quelques minutes. Jeudi, histoire des sciences et nous allons raconter l'histoire d'un scientifique injustement laissé pour compte. Si l'on en croit les biographies qui lui sont consacrées, il était l'homme qui a éclairé le monde, voire carrément l'homme qui inventa le XXe siècle. Il est l'inventeur du courant alternatif, de l'électricité moderne, certainement des premières ondes radio, de la notion de télécommande et même d'une certaine façon de l'idée du Wi-Fi et des armes à énergie dirigées. Savant fou, perclus de toc, insomniaque chronique, profond humaniste, il a terminé sa vie ruinée et misérable dans une chambre d'hôtel à New York. Bref, Nikola Tesla a tout du savant maudit et un destin proprement shakespearien. Pourquoi faut-il réhabiliter Nikola Tesla ? C'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour effectuer cette entreprise de réhabilitation, nous avons le plaisir d'accueillir ici, en studio, autour de la table de la méthode scientifique, Hilarion Pavel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en chef des mines, chercheur au laboratoire de physique théorique de l'École normale supérieure. Et nous sommes également en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Brézizel à Quimper avec Gérard Borvon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en physique. Vous avez publié l'histoire de l'électricité de l'ambre à l'électron aux éditions Vuibert. Nous sommes, comme chaque jour, en direct où vous pouvez nous suivre avec un fil Twitter qui complète l'émission sur le compte @laméthodefc. Alors, je le disais à l'instant en introduction, l'homme qui a éclairé le monde, l'homme qui inventa le XXe siècle. Alors, est-ce que, comme souvent, quand on se lance dans des entreprises de réhabilitation, on ne va pas un peu trop loin dans le sens inverse ou est-ce que, au contraire, Nikola Tesla est, selon vous, vraiment un génie de cette envergure, trop longtemps tombé dans l'oubli, Hilarion Pavel ? D'abord, c'est quelqu'un qui est né en 10 juillet 56 à Similian, qui est un tout petit village de quelques centaines d'habitants, qui se trouve à 15 kilomètres de la côte dalmatienne. Actuellement, c'est la Croatie. À l'époque, c'était les frontières entre l'Empire ottoman et l'Empire Habsbourg. Il était extrêmement timide, mais peu à peu, la première grande chose qu'il fait, c'est dans la légende, c'est qu'un jour, ils achètent une nouvelle machine pour éteindre l'incendie. Ils essaient de la tester et ils sont tous près dépourvus parce qu'elle ne marche pas. Et Tesla a une intuition géniale. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Le fait d'avoir aspiré de l'air, on crée une dépression et le tuyau se trouve étranglé comme ça. Et du coup, il va sortir le tuyau, explique aux gens ce qui s'est passé et il fait marcher la machine. Il était enfant, adolescent, et ça c'est le premier, vraiment, première chose qui est... Qui donne une mesure absolument de l'ampleur du génie qui va devenir. Gérard Borvon, vous pensez que c'est effectivement un génie de cette ampleur qu'on peut parler de Nikola Tesla comme l'homme qui a inventé le XXe siècle ? Oh, un génie à coup sûr. Maintenant, est-ce qu'il est l'homme qui a inventé le XXe siècle ? Il se trouve que justement, il était en compétition avec pas mal d'hommes, en particulier en Europe, dont on peut dire aussi qu'ils ont inventé le XXe siècle. La fin du XIXe siècle est une période extrêmement riche. On découvre les rayons X, on découvre les ondes hertziennes, on découvre la radioactivité. Et tout ça, c'est un ensemble qui projette ensuite la science du XXe siècle. Et on a parfois l'impression, effectivement, que ces hommes, et Tesla en est un, eh bien, ont vraiment déblayé un terrain qui ne donnera lieu ensuite qu'à des applications, quoi. Tout avait pratiquement été mis en scène autour de 1900, quoi. Donc, Tesla, indubitablement, en particulier avec ses travaux sur l'électricité, un de ces hommes qui ont ouvert ce siècle. Qui ont ouvert la voie. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas comprendre le fait que pendant très longtemps, alors, bon, en fait, quand on se demande dans l'émission au cours de cette heure si on va le réhabiliter, il a déjà été réhabilité, c'est une fausse question. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre le fait qu'il soit resté si longtemps dans l'ombre, qu'il ait terminé dans la misère, par ce statut qui était encore un statut à la fin du 19e siècle, qui était en train de tomber en désuétude, ce statut d'inventeur? On ne se souvient pas vraiment de Tesla comme un physicien, pourtant il l'était. On ne se souvient pas vraiment de lui comme un ingénieur, pourtant il l'était. Il avait cette espèce de côté un peu génie touche-à-tout, alors que d'autres commencent à travailler comme des physiciens théoriques, comme des physiciens nucléaires. Gérard Borvon, qu'en pensez-vous? Ben moi, je pense qu'il a souffert du fait qu'il était aux Amériques. En Europe, les choses se présentaient de façon tout à fait différente. Beaucoup de chercheurs étaient des chercheurs théoriques, parce qu'ils étaient universitaires, ils étaient dans les académies des sciences, ils étaient payés pour ça. Il y avait alors énormément, surtout sur l'électricité à la fin du 19e, énormément de revues immédiatement après chaque découverte qui exposait à l'ensemble de la population. Et ces revues de vulgarisation étaient beaucoup lues. Je pense à la revue La Nature, je pense aux Causeries scientifiques, je pense à l'Année scientifique, pour en citer trois. Et dans le domaine de l'électricité, il y en avait encore une multitude, et ça rien qu'en France. Vous aviez l'équivalent en Angleterre, vous aviez l'équivalent en Allemagne. C'est bien que quand il se passait quelque chose en France, eh bien, ma foi, c'était immédiatement diffusé. Tandis que, aux USA, je pense que, effectivement, ils n'avaient pas cet environnement qui faisait que ces idées pouvaient être diffusées. Il était senti là-bas plus comme un ingénieur que comme un savant. Et du coup, il n'a pas su exprimer tous ses talents. Moi, je suis tenté de dire quel génie ça aurait été s'il était resté en Europe. Vous partagez ce point de vue, ça vous fait sourire, Hilarion Pabel. Pas du tout. En effet, il est parti justement en Amérique parce qu'il n'arrivait pas, et surtout à Paris, à faire passer ses idées. Il avait déjà l'idée de faire le moteur à courant alternatif. L'idée est venue à Budapest quand il s'y promenait dans un parc, il a vu le coucher de soleil, il a récité quelques vers de Faust, de Goethe. Et à ce moment-là, il a toujours essayé de mettre ses idées en pratique, mais il a même construit un premier moteur à Strasbourg. On va en parler dans quelques instants. Et ensuite, c'est quelqu'un qui lui a écrit une lettre de recommandation à Edison, disant « Si tu veux faire quelque chose, il faut absolument partir en Amérique. » Donc, il est parti en Amérique. Le seul problème, c'est qu'il était extrêmement prolifique. Il a inventé un nombre incroyable de choses aussi. Il a déposé plus de 300 brevets tout au long de sa carrière. Tellement vite. Il est allé tellement vite, il était pratiquement au 21e siècle. Et à un certain moment, disons que ses idées étaient tellement avant-gardistes qu'on ne voulait plus investir. John Pierpont Morgan, on va parler sûrement de lui plus tard. Bien sûr, le fameux J.P. Morgan, qu'on connaît pour d'autres choses aujourd'hui. Oui, c'est un grand financier. Il a joué un rôle crucial dans la création d'infrastructures d'électricité, parce que ça demandait d'investissements considérables. Et donc, c'est lui qui s'est un peu désengagé de ses travaux de Tesla, parce que, en même temps, Marconi avait réussi à transmettre des signaux radio avec moins d'énergie. Ensuite, il n'était pas très chaud pour voir Tesla qui voulait créer de l'énergie de rien ou distribuer gratuitement l'énergie, alors que Pierpont Morgan voulait justement avoir des facturations, avoir des clients. C'était en logique économique. Et donc, peu à peu, il s'est désengagé de ses travaux. Et c'est pour moi. Donc, un peu trop en avance, un peu trop visionnaire et un peu trop humaniste pour pouvoir avoir une exactement, stature. Exactement. Il y a aussi un autre aspect qu'on va discuter plus tard. C'est les royalties qu'il aurait pu toucher par l'invention du moteur. Et que Westing, voilà. Alors, avant, on va parler de tout ça, de tout ce que vous venez d'évoquer. Peut-être reposons un peu très brièvement les bases au moment de la naissance de Tesla, donc au milieu du 19e siècle, où on en est de la compréhension et de la maîtrise de l'électricité. Je me retourne vers vous, Hilarion Pavel, au milieu du 19e. Au milieu du 19e, on a, disons, les grands travaux de Faraday. Il commence comme apprenti il était d'abord un apprenti pour relire des livres. Il lit des livres de physique et chimie. Il est passionné. Il va rencontrer Humphry Davy. Et à ce moment-là, Humphry Davy le prend comme assistant. Il y a toute une période extraordinaire dans laquelle il découvre le premier mouvement, premier esquisse de moteur électrique, qui est juste une cuve à mercure avec un barreau d'aimant au fond et une tige en métal qui est suspendue. Et en mettant le courant électrique, il commence à tourner. années. Bien sûr que c'est juste une application de laboratoire, il n'a jamais trouvé de débouchés. Ça, c'était 1821. Un an avant, c'est Oersted qui avait trouvé qu'il y a une interaction entre, disons, que les courants électriques qui traversent une file donnent naissance à un courant électrique qui interagit avec une boussole. Donc ça, c'était 1820. Et 1831, c'est l'induction électromagnétique de Faraday. Et il y a tout un développement extraordinaire de l'électricité qui est complété ensuite par les travaux théoriques de James Clerk Maxwell qui met en équation tout. Ce qu'il faut dire, c'est que à cette époque, et on va voir que ça va être l'enjeu majeur de l'opposition qui va y avoir entre Tesla et Edison, c'est que l'essentiel des premiers travaux de recherche qui se passent sur le courant électrique se font sur du courant continu. Absolument, parce que pour quelle raison les machines électrostatiques produisaient du continu, aussi les piles, comme la pile Volta. Bon, elle est formée par du zinc et du cuivre dans des milieux acides, donc elle peut engendrer un courant, mais le courant est continu. Et pour cette raison-là, même, bon, on fait une digression ici, on a découvert le fait qu'on peut faire tourner une bobine dans le champ magnétique, la magnéto, et on peut produire un courant à l'époque, disons, alternatif. Moi, on a essayé à tout prix de corriger, de mettre quelque chose qu'on appelle commutateur, pour essayer de redresser ce courant et plutôt d'avoir un courant alternatif, d'avoir un courant pulsé, parce que ces courants pulsés étaient utilisés dans des applications à l'époque qui étaient des applications des courants continus. En récurrence, tout ce qui est galvanostégie, galvanoplastie, c'est des dépôts des matériaux. On veut avoir des couverts, par exemple, très jolis, on va déposer de l'argent là-dessus, ou on veut, par exemple, utiliser ça pour faire des photos du journal. Donc, c'est essentiellement le courant continu. Il faut peut-être un mot aussi là-dessus sur Gérard Borvon, sur ces débuts de l'électricité, sur le champ de la connaissance, parce que aussi à cette époque-là, effectivement, comme le vient de le dire Hilarion Pavel, qu'on commence à poser les bases de ce qui va devenir l'électromagnétisme et ce qui est important dans la carrière de Tesla. Oui, alors après la machine Gram, les choses se sont développées et on arrive à la fin du siècle à une période où vraiment on voit se développer tous azimuts des applications de l'électricité. Et là, il y a un moment important que je voudrais signaler, c'est 1881, quand, à l'initiative du ministre français des Postes et Télégraphes, Cochery, est prise l'initiative de mettre en place une exposition internationale des électriciens. Dans les expositions internationales précédentes, l'électricité prenait une part importante. Mais là, en 1881, il s'agissait pour une fois de consacrer une exposition uniquement à l'électricité. Alors, avec deux objectifs, eh bien, montrer où en était la technique à cette époque, donc tous les types d'appareils qui avaient été développés. Mais deuxièmement, il y avait un moment très important de ce congrès, c'était le congrès des électriciens avec un but très précis qui était de définir des unités internationales. En effet, jusqu'à présent, chacun travaillait dans son coin avec ses propres unités. La communication entre les différents savants était très difficile. Chacun avait ses appareils de mesure et les échanges étaient très difficiles. Il fallait donc, à un moment donné, évidemment, mettre en place des unités. Ce qui est fait, d'ailleurs, de façon assez rapide. Les unités qui sont alors définies, c'est le volt, l'ampère, l'ohm, le coulomb. Et donc, voilà un moment très important pour tous les électriciens. Cette date est marquée d'une pierre blanche. Et alors, autrement, au niveau de ceux qui étaient présentés dans les salles d'exposition, alors là, il y a des choses qui ont véritablement étonnés, qui semblaient miraculeux pour tous les visiteurs. Très important, par exemple, le salon des téléphones. Dans un salon sont présentés des téléphones. Et ce qui est montré là aux visiteurs, c'est ce qu'on appelle le théatrophone. Des récepteurs sont disposés dans les théâtres parisiens. Et les gens reçoivent directement de ce théâtre la musique, le chant qui est produit dans ces théâtres. D'ailleurs, le théâtrophone deviendra ensuite une entreprise et vous aurez ensuite, eh bien, les riches bourgeois qui peuvent se le payer s'abonnent au théâtrophone et c'est un peu le France Culture de l'époque. Et oui, on peut avoir tel opéra, telle pièce de théâtre, mais à la maison, à partir du théâtrophone. Alors plus le France Musique pour le coup, du coup. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Mais alors, un des stands qui est le plus couru, eh bien, c'est justement le stand de Edison. Mmh. Edison a mis le paquet, il est en train de préparer justement les installations qu'il va faire à New York dans le quartier de la Bourse. Il arrive avec ses grosses génératrices à courant continu, il arrive avec les différents exemplaires de lampes qu'il a mis au point. Et puis, il a installé au moins trois salles merveilleuses, éclairées de toutes parts, avec comme démonstration finale la façon dont il réalise les ampoules à incandescence qui vont devenir la règle pour l'éclairage ensuite. L'éclairage au gaz à l'époque, hein, qu'il fallait allumer, qui était instable, qui pouvait exploser, bref. L'éclairage au gaz qui était progressivement, dans les rues, dans les grands établissements, remplacé par les lampes à arc, c'est-à-dire avec des fortes tensions, un arc créé entre deux électrodes. Alors, des éclairages très, très violents, difficile à manipuler, donc trop violent pour être dans des intérieurs, mais par contre, avec les lampes de Edison, on avait là la solution pour des éclairages domestiques, et immédiatement, évidemment, on en voit l'usage, et Edison, dès l'année suivante, installe une succursale à Paris, et c'est dans cette succursale qu'arrive Tesla en 1882. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, 4h15. Nous parlons tout au long de cette heure de Nikola Tesla, des raisons de sa nécessaire réhabilitation dans l'histoire des sciences avec Hilarion Pavel et Gérard Borvan, avec qui nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu Brésizel à Quimper. Maintenant que nous avons posé le contexte, revenons donc à Nikola Tesla. Je le disais en introduction, un savant maudit, génial, mort dans l'oubli, dont l'héritage a été pillé. Bref, un profil totalement romanesque qui a inspiré un grand nombre d'auteurs de fiction. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé rencontrer un scénariste qui s'est inspiré de la vie de Tesla pour écrire une bande dessinée. Oui, il s'appelle Richard Marazzano et avec le dessinateur Guilhem Beck, ils ont créé une série intitulée Trois fantômes de Nikola Tesla dont le premier tome est paru aux éditions du Lombard l'an passé. Dans ce premier tome, qui est d'ailleurs en compétition au Festival d'Angoulême qui s'ouvre aujourd'hui, on suit les aventures d'un jeune garçon qui s'installe à New York en pleine Seconde Guerre mondiale avec sa mère. Et dans son immeuble, il y a un mystérieux vieillard qui pourrait bien être Nikola Tesla. Le personnage de Tesla a inspiré au créateur de cette BD bien des choses, mais aussi une histoire de découverte rocambolesque de documents secrets concernant l'inventeur. Et comme souvent quand on évoque Nikola Tesla, la réalité se mêle à la fiction. Eh bien, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'en fait, un camarade scénariste qui est aujourd'hui décédé, qui était un vieil auteur de talent, nous avait cédé, à sa mort, une enveloppe qui contenait des documents et une clé qui ouvrait une consigne à la Grand Central Station de New York. Donc Guilhem, le dessinateur, et moi-même, nous avons pris l'avion et nous sommes allés à New York découvrir ces documents. Et ce que nous avons découvert était absolument stupéfiant, et c'est ce qui a donné... C'est les révélations que nous faisons dans l'album. Quelles ont été ces découvertes ? Il y avait des fiches du FBI, des articles de journaux d'un certain T.S. Billing, qui était un journaliste du New York Daily Worker, qui était le journal communiste de New York à l'époque, et qui avait suivi une affaire absolument incroyable dans les années 40, qui révélait des informations secrètes sur la mort de Tesla, la lutte qu'il avait engagée avec Edison et qui visiblement s'est poursuit bien longtemps après sa mort. Est-ce que vous auriez, je sais que c'est un secret lourd, mais est-ce que vous auriez des éléments de ce dossier secret du FBI à me montrer ? Eh bien là, j'ai devant moi la fiche du FBI de Nikola Tesla, que vous pouvez voir ici, qui fait une 150aine de pages. Alors comme vous pouvez le constater, c'est caviardé à chaque page, hein. Il y a du noir sur tous les éléments que le FBI n'a pas voulu révéler, parce que visiblement, certains événements sont encore d'actualité. Mais en tout cas, c'est de la dynamite. Nous, ce qu'on a découvert dans ce qui n'était déjà pas caviardé était assez incroyable. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ce personnage Nikola Tesla ? Dans ma jeunesse, j'ai fait des études de sciences, des études de physique et d'astrophysique à l'université d'Orsay, d'où j'ai été viré car je n'étais pas suffisamment bon en maths. Et pour les scientifiques, Tesla, c'est quelqu'un qui est très intéressant parce que il a à la fois eu des éclairs de génie pour ce qui est de ses recherches. Et en même temps, il a à certains moments dérivé dans une vision de la science qui était quasiment mystique et un peu irréaliste. et donc qui représente cette part de rationnel et d'irrationalité, d'intuition et d'irréel. Il me semble que c'est un personnage qui a un pont parfait entre la rationalité de la science et le rêve de la narration, quoi. Oui, donc Tesla, c'est par essence un personnage qui se prête très bien à la fiction. Oui, et puis d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue social aussi, parce qu'il a, il avait une vision de la science, c'était un humaniste, il avait une vision... ce qui est d'ailleurs très curieux, qu'il ait travaillé pour le gouvernement américain pour fabriquer des armes. Il y a des incohérences aussi par moment. Donc ces incohérences, cette dualité entre la rationalité, l'irrationnel, entre l'application... technologique et l'application industrielle qui est censée générer de l'argent, c'est ce qu'il a opposé à Edison, et sa volonté de distribuer au monde des énergies gratuites. Tous ces éléments de dualité en font effectivement un personnage quasi shakespearien, quoi. Donc il y a tout un tas d'autres personnages, puisqu'il y a aussi d'autres éléments qu'on révèle dans le récit. On convoque aussi George Orwell, Herbert George Wells, Jagadish Chandra Bose, qui était un grand scientifique indien, qui était probablement le plus grand physicien indien. Il y aura Marie Curie aussi, enfin il y a tout un tas de personnages. Parce qu'il faut savoir que Nikola Tesla a créé une conjuration, qu'ils ont appelée la conjuration des humains véritables, qui réunissait un certain nombre de scientifiques humanistes qui avaient un projet à la fois scientifique et social, et qui, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi Yasutaro Mitsui, qui est un des premiers inventeurs de robots au Japon, se sont réunis et ont mis leurs travaux à l'abri pour éviter que les armées du monde, à ce moment-là, s'en emparent et détruisent la planète avec, quoi. Pourquoi le FBI a constitué un dossier sur Nikola Tesla ? Bah, je pense, comme il travaillait sur des sujets qui étaient des sujets industriels de portée stratégique, et qu'il a travaillé aussi pour le gouvernement américain pour mettre au point des armes qui avaient comme énergie le magnétisme et l'électricité. Bon, il y avait une légitimité à ça, enfin, de leur point de vue. Et en même temps, il s'opposait à Edison et à d'autres grands industriels qui, eux, travaillaient avec le gouvernement américain et même avec les nazis. Nikola Tesla, justement, vous parliez d'idéologie. Lui, voilà, si on devait le situer un peu sur ce grand échiquier politique de l'entre-deux-guerres, où est-ce qu'on pourrait le placer ? Il n'a pas pris parti officiellement pour des tendances ou des partis qui étaient connus, mais ce qui nous avait intéressé avec Guilhem, et ce qui nous semblait particulièrement évident, ce qui nous touchait, c'était que c'était fondamentalement un humaniste, et qui était coincé dans cette contradiction de la science de cette époque, qui peut apporter des moyens de destruction extraordinaires et en même temps des moyens d'émancipation extraordinaires. Donc j'imagine que pour lui, ça a été des sujets de réflexion et peut-être de hantise à certains moments, qui ont peut-être aussi contribué à son manque de stabilité peut-être émotionnelle et intellectuelle par rapport au sujet de ses recherches. Est-ce qu'on pourrait jeter un œil, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait un document sur ce dossier du FBI consacré à Tesla qui... C'est-à-dire que, ouais, il y a 150 pages. J'invite les gens à le télécharger, parce qu'on peut télécharger sur le site du FBI. C'est très très vaste, ça va de ses recherches, des gens qu'il fréquentait, voilà quoi, il y a tout un tas. Puis il y a aussi tout un tas de choses à un moment sur les... Au moment de sa mort, les documents qui ont disparu, parce que des documents ont disparu, il y avait un coffre dans sa chambre d'hôtel, et des documents ont disparu, et donc il y a toute une tout un tas d'éléments de spéculation, je crois que c'est vers la page 140, un truc comme ça, de ce que sont devenus ces documents, qui a pu s'en emparer, etc., quoi. Les documents que nous avons récupérés de Tesla, nous en avons mis quelques-uns en ligne sur le site du Lombard. Donc on a appelé ça les Tesla Papers, parce que ce sont évidemment des révélations extraordinaires. Et donc il y a des articles de journaux, il y a les articles du FBI, il y a des documents écrits, il y a des lettres de George Orwell, des lettres de Jagadish Chandra Bose, des lettres de Yasutaro Mitsui à Nikola Tesla. Et il y aura également bientôt des vidéos, apparemment, que l'on semblerait devoir attribuer aux héritiers de la conjuration qui prépareraient un grand retour. Voilà l'héritage de Nikola Tesla entre fiction et réalité, avec, comme on l'entend, une grande part de fantasme dans tout ça. Il y a des choses qui relèvent un peu du réel et d'autres de l'imaginaire. Nous, on va reprendre le fil de la réalité et de la biographie réelle de Nikola Tesla. On l'a dit tout à l'heure, né en 1856, à l'époque dans l'Empire autrichien, aujourd'hui en Croatie. Il y a quelque chose qu'il faut noter avant de de retrouver le fil de notre conversation et de son premier emploi en 82 à Paris pour la Continental Edison, c'est la personnalité de Nikola Tesla. On lui attribue une mémoire eidétique. C'est vrai ça, qu'il avait cette espèce de mémoire absolument géniale, fascinante, qui lui permettait de s'affranchir de notes et de schémas, Gérard Borvon? On peut le croire quand on voit la somme des travaux qu'il a fait, qu'il retenait certainement tout ce qu'il pouvait lire, et il a dû lire beaucoup. Ses études elles-mêmes ont été très hachées à cause des situations politiques dans les régions où il habitait. Et il n'a pas suivi un cursus très linéaire. Et on peut penser que l'essentiel de ses connaissances, il les a acquises pratiquement en autodidacte, ce qui était sans doute une bonne chose, parce que du coup, son imagination n'était pas du tout freinée. Quand il arrive ensuite en France, hein, je le dis en 82, eh bien il arrive là dans un pays qui est encore sous l'effervescence de l'exposition internationale de l'électricité de 81. Ça continue à s'agiter, et en particulier là, il rencontre Nader, qui justement est celui qui avait été à l'origine du théâtrophone, Nader, qui a ensuite construit l'avion, et qui était donc, comme lui, un esprit très inventif, qui voulait aller dans tous les sens, et on sait qu'ils ont eu une fréquentation assez longue. Et c'est vrai que Tesla bouillait sûrement un peu d'impatience quand il était en France, et qu'il a tenu à exposer ses idées qu'il avait déjà élaborées avant, en particulier sur la transmission de l'électricité par l'alternative, et en particulier sur une de ses inventions précoces qui était le moteur synchrone alternatif. Et réellement, il a eu la déception de se rendre compte qu'il n'était pas écouté, que le terrain avait été occupé par le courant continu, la machine Graham, et que Edison, en arrivant avec son système, renforçait encore cette tendance. Mais il n'était pas le seul à être un peu écœuré, disons-nous, de l'état d'esprit justement qui régnait à ce moment-là en France, parce que un Français, Gollard, avait lui-même imaginé la possibilité du courant alternatif et avait inventé ce qui sera appelé après le transformateur. De la même façon, il avait essayé de diffuser cette idée-là, et pendant la période où Tesla était à Paris, eh bien, de la même façon, Gollard, il s'expatrie. Il va en Angleterre, où son idée est reprise par Gibbs et où elle est développée. Et donc, encore une fois, le combat entre le continu et l'alternatif en France, eh bien, est remporté par le définitivement, mais il est remporté par le continu. Et l'aventure de l'alternatif, eh bien, c'est en Amérique qu'elle démarre. Et elle démarre avec Tesla. Et avec Tesla qui va aller rejoindre Edison aux États-Unis. Je parlais de sa mémoire eidétique. Ouais. Je donne aussi, Hilarion Pavel, un autre élément de cette personnalité fantasque qui contribue au mythe de Nikola Tesla et qu'il décrit lui-même dans son autobiographie qu'il publiera en 1919, qui s'intitule Mes inventions. Je vous en lis un petit bout à propos de sa personnalité. Donc ce sont ses propres mots, traduits bien sûr. Lorsque je fais tomber des petits bouts de papier dans une coupelle remplie d'eau, je ressens dans ma bouche un goût bizarre et détestable. Je comptais le nombre de pas que je faisais en marchant, et je calculais le volume des assiettes à soupe, des tasses de café et des aliments, car si je ne le faisais pas, je n'avais aucune envie de manger. Toutes mes opérations ou tout ce que je faisais de manière répétitive devait être divisible par 3, et si ce n'était pas le cas, je me sentais dans l'obligation de tout recommencer à 0, même si cela me demandait des heures. On voit bien que le jeune homme, à l'époque, est quand même relativement agité d'un certain nombre de troubles obsessionnels, Hilarion Pavel. Absolument. Quand il allait à son laboratoire, il fallait toujours faire 3 fois le tour de labo. Il fallait absolument évaluer chaque fois quand il mangeait quelque chose, les volumes. En même temps, sa mémoire était absolument phénoménale, comme on dit, parce que il arrivait à faire dans sa tête les designs d'un appareil compliqué, et il n'avait pas besoin de crayons et papier. Il le décrit d'ailleurs dans son autobiographie, absolument. Il le dit lui-même. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec des ingénieurs qui lui demandaient toujours des schémas et des dessins, et lui n'avait pas besoin. Il faisait marcher l'appareil dans sa tête et il arrivait à l'améliorer et le sortir. Et au moment quand il concevait l'appareil physiquement, il marchait exactement comme il s'était imaginé. Et donc, poursuivons le fil de sa biographie, là où nous l'avions laissé avec Gérard Borvon. Il vient donc s'installer, travailler pour la Continental Edison à Paris. Il n'arrive pas à convaincre avec son courant alternatif. Qu'est-ce qui va le pousser à franchir l'Atlantique pour aller rencontrer Edison à New York? Oui, c'est justement travailler à Paris, étant un type absolument brillant, c'est le responsable, je pense que c'est appelé Charles Batchelor, et il écrit en ami de Edison, il écrit à Edison, voilà, je connais deux personnes absolument exceptionnelles dans ce monde, c'est toi, Edison, et le deuxième, c'est ce jeune homme qui arrive. Alors Tesla arrive, après on a beaucoup de péripéties parce qu'il s'est fait voler l'argent, et enfin tout ça, il arrive et il entre dans le bureau d'Edison. Edison était très embêté à l'époque parce qu'il y avait justement un grand bateau qui devait partir, un bateau à vapeur, qui avait un générateur qui était tombé en panne, et Edison devait envoyer des ingénieurs sur place. Or, en même temps, c'était les générateurs de la famille Vanderbilt, qui est une riche famille américaine, comme on le sait bien, qui était tombée en panne, donc les ingénieurs ont dû en priorité aller chez Vanderbilt. Et du coup, le bateau était resté coincé dans le port. Alors, il ne sait pas quoi faire. Alors, il demande à Tesla, est-ce que vous savez réparer des générateurs? Il dit, oui, bien sûr. Et il part. Et le lendemain matin, à 5h du matin, bon, parce qu'il travaille très tard, il tombe nez à nez dans la rue de New York avec Tesla. Et Edison dit, notre jeune Parisien, il fait des balades nocturnes. À peu près quelque chose comme ça. Et Tesla lui dit, en effet, je viens d'Oregon, je viens de réparer les générateurs. Et là, plus personne n'a rien dit, il s'est éloigné. Et Batchelor raconte plus tard qu'Edison avait dit ce type, il est vraiment très très très fort. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h32, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Vous pouvez nous suivre également comme chaque jour sur Twitter en suivant le compte @laméthodefc. Nous parlons tout au long de cette heure dévolue comme chaque jeudi à l'histoire des sciences de Nikola Tesla. Nous en parlons avec Hilarion Pavel qui est ingénieur en chef des mines, chercheur au laboratoire de physique théorique de l'École Normale Supérieure. Et nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu Brésisel à Quimper avec Gérard Borvon, enseignant en physique, physicien. Vous avez publié l'histoire de l'électricité de l'ambre à l'électron aux éditions Vuibert. Nous en sommes donc au moment de cette rencontre cruciale entre Nikola Tesla et Edison qui va piller une partie de son travail. Il faut dire, Gérard Borvon, qu'à cette époque, Edison bute sur un problème de taille. Il vient d'installer sa première centrale électrique dans Pearl Street, une centrale qui lui permet de fournir 80 clients avec une couverture d'environ 400 ampoules. Le problème, c'est qu'au-delà de cette distance et de cette capacité, ça bloque et Edison ne trouve pas de solution. Oui, effectivement, le courant continue. Si on veut l'expédier sur une grande distance, eh bien, à cause de la résistance des fils, il y a une perte en ligne qui est importante, si bien qu'il faudrait multiplier les machines pour pouvoir fournir Edison Il souhaite effectivement pouvoir rayonner, pouvoir trouver de plus en plus de clients. C'est là que Tesla suggère le courant alternatif qui permet eh bien, d'élever la tension de délivrance du courant et au moyen de transformateurs de délivrer des tensions plus basses chez les utilisateurs. Alors pourquoi ? Parce que justement, les hautes tensions, eh bien, permettent moins de pertes en ligne. Les pertes en ligne sont beaucoup plus faibles quand on utilise des hautes tensions, si bien que le résultat, la rentabilité est beaucoup plus importante. Mais là, Edison, qui a déjà développé son système, pour lui, il n'en est pas question. De toute façon, son système, ce sont d'abord des génératrices, mais en même temps, ce sont les lampes. Et les lampes qu'il utilise, eh bien, il n'imagine pas de modifier son système. Il a un système où il délivre un courant à 100-110 volts et il ne voit pas comment il pourrait faire autrement. Donc, c'est un conflit qui est très important entre les deux. Hilarion Pavel ? Oui, je voulais dire que le modèle d'économie d'Edison était basé sur des centrales dans chaque quartier. Il ne fallait pas dépasser 2-3 km pour ces raisons de perte. Et donc, avec le courant continu, il ne pouvait pas aller plus loin. Mais tous ces brevets et tout ce travail de royalties et tout cet engagement financier était basé sur des courants continus, donc ils ne pouvaient pas faire marche arrière, même s'ils se rendaient compte que, quelque part, les courants alternatifs, c'est l'avenir. D'ailleurs, plus tard, dans sa vie, il a dit que c'était la plus grande gaffe de sa vie, de croire aux courants continus et pas aux courants alternatifs. Parce qu'il faut bien comprendre que pour passer à l'alternatif, il aurait fallu changer toutes les installations. Absolument. Il fallait aussi parler de George Westinghouse, qui est un inventeur américain. Il s'est intéressé aux ferroviaires. Il a réussi d'abord à concevoir des systèmes pour remettre les wagons qui étaient déraillés. Ensuite, a inventé le système de freinage à air comprimé, qui était beaucoup plus efficace que le système classique à base de vapeur et d'eau, qui était moins fiable. Et grâce à ça, il a fait fortune. Il s'est beaucoup intéressé au courant alternatif. Si une ampoule électrique peut marcher aussi en continu en alternatif, c'était pas le cas du moteur électrique. Au moteur, soit il marche en continu, soit en alternatif. Et dans ces cas-là, il avait besoin du moteur alternatif. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Tesla. Il est intéressé par ses idées. Bon, entre-temps, il y a quelques froissements entre Edison et Tesla. Quelques froissements de taille, puisque Edison avait proposé $50,000 à Tesla pour l'aider à résoudre son problème de centrale électrique. Et au final, Tesla n'en verra jamais le moindre centime. En effet, c'est plutôt pour améliorer les moteurs et générateurs des courants continus que ces prix de $50,000 seraient... Ce qui est une somme énorme. À l'époque, oui, mais bon, on ne sait pas très, très, très bien. Disons que on regarde avec beaucoup d'attention. Ça, c'est que Tesla raconte, mais probablement que. Et donc, il s'attelle, il travaille d'arrache-pied du matin au soir pour améliorer. Une fois qu'il a fini, il va voir Edison. Il dit voilà, j'ai fini le travail. Est-ce que je pourrais avoir les $50,000 ? Et Edison dit mais monsieur Tesla, vous ne comprenez pas notre humour américain. Et là, Tesla n'avait assez. Alors, il claque la porte, il part. Et il se retrouve dans la rue, quasiment. C'est ça, du jour au lendemain. Oui. Il faut dire, Gérard Borvon, que Edison et Tesla sont deux esprits. On a dit que Tesla était un esprit un peu particulier, mais Edison, c'est un bricoleur. Il n'a pas de bagage théorique par rapport à Tesla, qui est un génie théorique de conceptualisation. Oui, c'est certain. Ce sont deux personnages complètement différents. Edison est un bricoleur de génie aussi. Il touche à tout. Il a inventé le phonographe, il a inventé le cinématographe, il touche le téléphone. Ou du moins, il a amélioré tout ça à chaque fois que une invention apparaît dans son univers. Il l'améliore, il la récupère. Oui, c'est un génie, un inventeur de génie. C'est vrai que Tesla, disons qu'à notre époque, j'ai pas osé le mot, mais on dirait presque qu'il a un problème d'autisme. Un certain nombre de génies à notre époque, on les déclare comme tels. Bon, c'est peut-être un peu osé d'aller jusque là, mais il a un comportement qui est complètement atypique, qui relève du génie. C'est un homme qui n'est pas un humain banal. C'est-à-dire que contrairement à Edison, c'est pas du tout un entrepreneur. Il a aucun moment l'esprit commercial, il rate des brevets. Oui. Les brevets qu'il dépose sont d'ailleurs, comme il n'a pas les moyens économiques, il n'est pas capable de les défendre. Et donc, ils sont régulièrement pillés, et ce qui effectivement rajoute à son amertume. Le point important pour Tesla, c'est son invention justement du moteur alternatif, parce qu'effectivement, avec le courant continu, on utilisait essentiellement un moteur à courant continu. Or, l'usage pour les lampes, le courant alternatif convenait. Une lampe fonctionne aussi bien, l'incandescence du fil allemand, en courant continu, comme l'avait prévu Edison, ou en courant alternatif. Mais pour ce qui est d'un moteur, eh bien, on ne connaît pas encore, avant Tesla, justement, de moteur qui fonctionne en courant alternatif. Or, c'est là qu'est le génie de Tesla, d'imaginer les moteurs à courant alternatif, moteurs synchrones qui utilisent le courant alternatif biphasé ou triphasé. Voilà. Là, il fait véritablement une découverte géniale qui le met en marge de tous les autres. Et d'ailleurs, quand et j'ai encore ce souvenir, quand on enseigne à nos élèves en électrotechnique, quand on leur montre ce qu'est un champ tournant, ce qui a été découvert donc par Tesla, souvent, j'irais presque pour une fois, on a vraiment là, du côté des élèves, une sensibilité très forte. Ils se disent « Oh, mais c'est formidable !» Hilarion Pavel? Oui, je voulais ajouter que cette idée de courant, de moteur rotatif à champ magnétique rotatif, c'est venu quand il était à Graz. Mm-hmm. Il assiste en démonstration. Donc à l'université, exactement, tout au début. Il était tout jeune, il assiste en démonstration du moteur courant continu. Or, ce moteur doit avoir, il y a deux parties, un stator qui est figé et le rotor qui tourne. Et sous le rotor, il faut avoir quelque chose qu'on appelle un commutateur qui est capable de changer le sens du courant électrique à travers le rotor pour pouvoir le faire tourner en permanence. S'il n'y a pas cette pièce, il va rester coincé dans une position fixe. Mmh. Or, ce petit commutateur engendre des étincelles à cause des contacts électriques qui se font et qui se défont. Ça a beaucoup dérangé Tesla et il supportait pas ces contacts électriques, cette étincelle électrique, et il a demandé à son prof, peut-être qu'on pourrait améliorer, faire quelque chose où il y a un champ tournant. Mmh. Il dit, monsieur Tesla, vous allez peut-être faire beaucoup de choses dans votre vie, mais ça, jamais. C'est comme trouver le mouvement perpétuel. Vous pouvez pas transformer un mouvement linéaire comme la chute dans un champ gravitationnel dans un mouvement rotatoire. Et c'est exactement ce que Tesla fait plus tard. Donc, une fois que Tesla claque la porte d'Edison, il se retrouve à la rue. Mmh. Heureusement, quelqu'un d'autre va lui permettre de développer son atelier, son laboratoire, Gérard Borvon, qui va être le moment où Tesla, on est à la fin des années 1880, où Tesla va pouvoir donner libre cours à son esprit créatif. Et c'est là où il va produire le plus d'idées, où il va déposer certains brevets. Certains, il n'en déposera pas, mais en tout cas, ça va être le haut de sa carrière. Oui, c'est sa rencontre avec Westinghouse et donc tous les travaux qu'il peut réaliser à ce moment-là. Et donc, la volonté, cette fois, de Westinghouse, de développer l'usage du courant alternatif avec des grands projets d'équipement de l'ensemble des USA à partir de grosses sources de production. Et là... Il a dans l'idée les chutes du Niagara qui ont déjà été équipées pour d'autres usages, et il se rend compte qu'en utilisant les chutes du Niagara, on peut là créer une source d'électricité extraordinaire qui va pouvoir diffuser très loin, et pour ça il a besoin du courant alternatif. Et donc Tesla est vraiment l'homme qu'il lui faut pour développer ses idées et pour faire les projets de génératrices qui seront utilisées. Et là, Tesla fait un travail phénoménal. Ce qu'il produit est vraiment extraordinaire. Hilarion Pavel? Oui, disons que Edison, on était resté au modèle économique d'Edison. Mmh. Et c'est vrai qu'il était, il voulait avoir une centrale dans chaque quartier. Alors que Westinghouse Tesla, il s'imaginait exactement le contraire. Concentrer l'énergie au maximum dans un endroit où le produire, comme les chutes de Niagara. Mm-hmm. Ensuite, utiliser un transformateur qui allait élever la tension pour avoir des fortes tensions. Dans ces cas, les intensités sont très faibles pour que le produit entre les deux qui a puissance constante. Et on sait que les pertes en ligne, au mix, sont proportionnelles avec le carré de l'intensité. Donc, avoir des faibles intensités, c'est très intéressant. On peut transporter cette énergie à distance. Très loin. Et ensuite, on peut l'abaisser pour la rendre utilisable au consommateur. Ce qui est extraordinaire pour les. Ce qui est le modèle aujourd'hui de l'électricité d'aujourd'hui. Absolument, hein, absolument. Et ce qui est extraordinaire pour l'électricité, c'est une énergie qu'on peut très bien transporter à distance. Les pertes sont très faibles. Environ 7% de toute l'énergie mondiale est perdue dans les transports. Donc, les transports à grande distance, c'est seulement 1%. Donc, c'est très faible. Et on peut surtout la distribuer. Il suffit juste de connecter un fil en dérivation. On peut tout de suite tirer des câbles. Ce qui est inimaginable avec une énergie mécanique, avec des courants de transmission des moteurs classiques ou avec des conduites d'eau pour transformer les flux thermiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour... pour Tesla et pour le courant alternatif qui va mine de rien, voilà, le sens de l'histoire se met un peu en marche progressivement, gagner ses galons sur le courant continu. Je pense, arrêtez-moi si je me trompe, Gérard Borvon, que le tournant, c'est l'exposition colombienne à Chicago en 1893 qui est éclairée, oui, au courant alternatif, et d'un seul coup c'est la revanche de Tesla sur Edison. Oui, effectivement, c'est la revanche, parce que toute l'exposition est éclairée par les machines de Westinghouse. Et les machines qu'il présente là sont les machines qu'il va installer ensuite sur les chutes du Niagara. Et les chutes du Niagara, en 95, l'électricité y est produite, et puis c'est une véritable victoire pour Westinghouse. À partir de ce moment-là, Tesla se rend compte qu'il a perdu la guerre, et il le regrette. Mais ça ne veut pas dire que pour autant le courant continu produit par les génératrices Tesla va s'arrêter subitement. Il faudra encore un certain temps pour qu'on arrête d'utiliser le courant continu, en particulier celui qui est produit par Edison, je veux dire. Par Edison, alors, bien sûr. Oui, par Edison, excusez-moi. Mais en particulier, c'est vrai en France. Justement, progressivement, avec la place qu'a pris le courant continu en France, la région parisienne, Paris, par exemple, à la veille de l'exposition internationale de 1889, il faut équiper Paris de l'électricité pour l'éclairage, pour le tramway qui commence aussi à se développer. Et donc, on divise Paris en 6 secteurs, et chacun des secteurs est tenu par une entreprise d'électricité. Eh bien, sur les 6 secteurs parisiens, 4 secteurs produisent de l'électricité en continu, et 2 simplement d'alternatifs. Et parmi ces secteurs, il y en a un qui est attribué à Edison. Et ça va durer très longtemps. Progressivement, les 6 compagnies vont se regrouper en une seule. Au fur et à mesure, on voit l'intérêt du courant alternatif, et on va avoir à Paris progressivement la mise en place d'un courant alternatif sur l'ensemble des secteurs. Mais il n'y a pas si longtemps, il existait encore dans les années 1968 des petits endroits à Paris où la fourniture se faisait encore par courant continu. Parce qu'en France, le système qui avait été développé en France au tout début, eh bien, c'était justement de produire l'électricité par petites unités. Les premières communes qui se sont équipées d'installations électriques en France sont de très petites communes qui avaient à leur disposition des chutes d'eau et qui ont pu utiliser rapidement les machines Gram, qui étaient toutes petites, qui étaient faciles à utiliser, qu'on pouvait installer sur une chute d'eau. Dès 1883, on avait une ou deux communes en France qui étaient déjà équipées de l'électricité. Dans le Finistère, où j'habite, on a la première installation d'électricité a eu lieu à Châteaulin. C'était en 1887. C'était courant continu en utilisant une chute d'eau. Donc, le courant continu, pour autant, n'a pas disparu du jour au lendemain. On va parler des Tesla voulait même aller plus loin, Hilarion Pavel, puisque dans ce fameux hangar qui lui a servi d'atelier, il a construit une tour, la tour de Tesla, et il voulait aller encore plus loin. C'était les prémices de la transmission sans fil. Oui, disons qu'il avait commencé à faire des expériences de transmission sans fil par couplage inductif, c'est-à-dire qu'on avait un circuit dans un endroit qui produisait un courant alternatif de suffisamment grande fréquence, quelques kilohertz, qui pouvait aussi coupler un autre circuit résonant, et c'est comme ça qui pouvait transmettre à distance de l'énergie électrique. Mais il avait des ambitions beaucoup plus fortes, c'est de quasiment utiliser la cavité résonante qui est formée entre l'ionosphère et la surface de la Terre pour pouvoir transmettre l'énergie à n'importe quel point de la Terre. Et donc il a commencé à faire à Colorado Springs, parce que c'est un plateau très haut vers altitude 2000 mètres, donc il a commencé à faire des expériences dans lesquelles il produisait des foudres artificielles. Il envoyait des dizaines, des milliers de volts dans l'ionosphère, et il espérait récupérer ailleurs ce type d'énergie. D'ailleurs, avec cette occasion, il a réussi à calculer, à déterminer la fréquence fondamentale des oscillations de cette cavité, qui était de 8 Hertz. Et cette fréquence, disons, a été mesurée plus précisément en 1960, et on a trouvé 7,8. Donc il était à 0,2 près. Oui, oui. On va parler aussi de quelque chose de porte logique qu'il a réussi à inventer avant l'invention de l'ordinateur. Mais ceci dit, donc cette idée de transmettre à distance était extraordinaire, mais il voulait propulser des bateaux au milieu de la mer, par exemple. Il s'imaginait avoir des lampes très fortes avec ultraviolet pour ioniser l'air et transmettre par exemple des courants électriques à travers l'ionosphère. Il utilisait l'ionosphère comme un fil électrique. Et l'autre fil, c'était la Terre, parce que la Terre a une résistance relativement faible. Si vous connectez deux pôles opposés de la Terre par des très bonnes prises de terre, vous obtenez des résistances de l'ordre de l'ohm. Très, très, très. Parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de sel qui permettent cette conduction. Ça fait partie de quelques-uns de ces travaux. Comment est-ce qu'on explique, alors que donc on vient de le dire, hein, son courant alternatif finit par s'imposer, il va donner une conférence à l'Institut américain des ingénieurs électriciens qui est devenu un cours classique de l'ingénierie électrique encore aujourd'hui. Comment on explique finalement la chute, la déchéance de Nikola Tesla, Gérard Borvon? Plutôt que de chute, de déséance, je dirais l'oubli. L'intérêt était se fixer ailleurs. En Europe, c'était la découverte des rayons X, par exemple. Hein. À partir du moment où vous aviez la découverte des rayons X, bon, on dit aussi que Tesla, justement, avait lui-même découvert les rayons X. Mais bon, c'est resté très confidentiel. Tandis que en Europe, après la découverte des rayons X, ça devenait un phénomène de foire, littéralement. Vous aviez dans les grands magasins, on invitait les gens à venir se faire voir leur squelette à travers, en utilisant les rayons X. On voyait des magasins qui invitaient les gens, les magasins de chaussures par exemple, qui invitaient les gens à venir chausser telle ou telle chaussure, et puis à se photographier, leurs pieds à travers les rayons X. C'était vraiment une attraction extraordinaire. Alors, partant de là, ce que pouvait apporter Tesla en Amérique était un peu oublié. Vous avez à la même période la découverte de la radioactivité. Tout ça se passe dans un univers très concentré en Europe, et Tesla est un peu oublié. Alors, est-ce qu'il est vraiment dédaigné, sans doute l'est-il aux USA dans la mesure où il n'est plus très rentable. Il y a une autre controverse aussi hein, qui met un peu de d'ombre au tableau, c'est sa controverse avec Marconi sur les ondes radio, une controverse qui va perdre cette fois. Hein, Hilarion Pavel, Marconi s'impose comme l'inventeur. Voilà. Perdre d'abord, mais ensuite la gagner, mais post-mortem, parce qu'il a gagné en 43. L'idée, donc il avait déjà, en 1893, il avait réussi à faire des transmissions sans fil déjà, mais il a un grand malheur qui lui arrive, c'est en 95, le laboratoire brûle. Il perd beaucoup de choses. On ne sait pas exactement, mais on suppose qu'il avait liquéfié de l'air. Et comme l'air contient 21% d'oxygène, l'oxygène en contact avec l'huile des transformateurs, ça a fait explosion, ça a brûlé. On sait aujourd'hui qu'en manipulant l'oxygène, il faut faire très attention de ne pas avoir des graisses à côté. Mm-hmm. Ça, c'est une règle extrêmement importante. Et donc, du coup, il a perdu. J.P. Morgan l'a aidé beaucoup pour refaire son laboratoire. Et en 1898, il fait une démonstration spectaculaire à Madison Square Garden, à New York, d'un bateau télécommandé. Commandé à distance, les gens sont absolument stupéfaits. Il invente la télécommande aussi. Absolument. Ouais. Il pense qu'il y a du mysticisme, qu'il y a télépathie, qu'il y a un singe qui est caché dedans, mais non, il avait inventé. Et ce qui est extraordinaire, pour durcir son canal de transmission, il a utilisé deux fréquences séparées. Donc il a doublé l'information, et pour que la commande soit exécutée, il fallait que les deux commandes arrivent par deux canaux différents. Et avec cette occasion, il a inventé les portes logiques de l'ordinateur, la porte AND, anglaise et en français. Et plus tard, 50 ans plus tard, au moment où les gens qui ont construit les premiers ordinateurs, ils avaient besoin de breveter cette porte logique, ils se sont heurtés de brevet de Tesla qui datait d'il y a 50 ans. D'accord. Donc ils n'ont pas pu breveter aujourd'hui, il n'y a pas de brevet pour les portes logiques. Autre invention qu'on impute à Tesla, c'est celle des bases du radar aussi. Oui, donc il n'a pas fait le radar, mais vers 1900, il a décrit les principes du radar de mettre une impulsion et capter l'écho, qui a été utilisé plus tard, découverte en effet, inventée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on parle également de quelque chose dont on a parlé ici dans cette émission, ce sont les armes à énergie dirigées. Bon, ça c'est plus compliqué. Mon sentiment, c'est qu'il y avait beaucoup de spéculations qui n'a cette arme de la mort qu'ils pensaient comme une arme de dissuasion. Analogue à l'arme nucléaire, bon, c'est pas nucléaire, c'était juste une espèce d'arme au rayonnement très fort. Il n'a jamais été réalisé, en effet. Bref, on voit qu'avec le temps, Nikola Tesla acquiert une sorte d'aura, qui va monter à partir du moment où on commence à le redécouvrir dans la pop culture, une aura presque fantastique. On voit avec cette arme, d'ailleurs, c'est assez amusant, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que l'un des premiers méchants de l'histoire des super-héros, l'un des premiers ennemis de Superman, c'est Nikola Tesla avec ce fameux rayon de la mort. Plus récemment, c'était en 2006, le personnage de Nikola Tesla fait une brève apparition dans le film Le Prestige de Christopher Nolan. Écoutez qui l'interprète. So, this is the great Denton. Mr. Ellie has effused about your act to me on any number of occasions. Hold out other hand. Voilà, vous aurez peut-être reconnu la voix de David Bowie qui prête ses traits à Nikola Tesla, qui mourra donc en 1943, oublié de tous, misérable, dans une chambre d'hôtel à New York. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage consacré à la bande dessinée qui évoque le personnage de Nikola Tesla. Ces documents sont saisis par les services secrets américains, Gérard Borvon, et jusqu'à aujourd'hui, une partie des documents saisis dans cette chambre d'hôtel de Nikola Tesla sont toujours restés confidentiels, classés secret défense. Alors ça, je vous dirais que c'est une histoire que j'ai pas suivie de très près. Mmh. C'est vrai que c'est amusant et ça peut donner lieu à des tas de spéculations. De romans, spéculations. Il faudrait que j'aille regarder plus près. Bon, vous pouvez aller lire cette BD, Les Trois Fantômes de Nikola Tesla. C'est un domaine que je ne connais pas. Quelque chose que je veux dire sur les retombées parfois anecdotiques des découvertes de Tesla. Venant de Tesla, on a ramené en Europe un procédé thérapeutique qu'on appelle la Tesla, qu'on a appelé la Teslaïsation, et surtout la Darsonvalisation, parce qu'elle a été reprise par le physicien Darsonval. Alors, c'est assez étonnant quand on voit ce procédé à notre époque. Il s'agissait de construire une antenne, en gros, produisant des ondes à grande fréquence, un grand solénoïde, une grande bobine avec des grandes spires, à l'intérieur de laquelle on pouvait mettre le patient. Et alors, on mettait à l'intérieur de cette bobine des tas de patients, on soignait de tout, on soignait du diabète, on soignait des rhumatismes, on soignait de tout. Et c'était vraiment quelque chose qui était la mode. Les gens se faisaient darsonvaliser ou teslaiser. Alors, si je le cite, c'est que à notre époque où on est très attentif justement à la pollution par les ondes électromagnétiques, téléphones portables, etc., eh bien, à cette époque, au contraire, c'était un traitement miracle qui était proposé aux gens, c'est-à-dire d'aller dans une bobine, carrément dans une antenne d'ondes à haute fréquence pour se faire soigner. Bon, vous saviez qu'à l'époque, on conseillait aussi aux gens de manger du radium pour guérir des rhumatismes. Exactement. Donc heureusement, on ne mange plus, en tout cas volontairement, d'éléments radioactifs. Voilà. Un mot, Hilarion Pavel, tout de même, sur le parcours de réhabilitation, puisque en 56, on va quand même donner, et ça n'est pas rien, le nom de Tesla à une unité de mesure. Oui, je pense que c'était en reconnaissance, mais d'après moi, c'est pas suffisante. Probablement que dans l'avenir, avec la création de, je pense à l'énergie nouvelle, on va peut-être essayer de créer des stations, de capter le soleil en dehors du rayon de la Terre, par exemple, et on essaie de les transmettre à distance. Il y a des projets qui sont assez ambitieux. Vous pensez qu'il y a des projets qui sont inspirés des travaux de Tesla? Disons que Tesla avait une intuition phénoménale parce qu'il s'est imaginé qu'il y a un vent solaire et qu'on pourrait récupérer l'énergie du soleil. C'était pas sur des photoélectriques, mais il pensait plutôt aux particules qui étaient ionisées dans l'ionosphère. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres recherches pour la science de la Terre, pour la propagation en dehors de l'atmosphère, par exemple. Et si on veut transmettre, imaginez un cortège de satellites qui vont entourer la Terre, qui vont capter l'énergie solaire et qui vont le transmettre vers la Terre, dans ces cas-là, il faut imaginer des moyens de transfert à distance sans fil. Donc je pense que dans ces cas-là, les travaux de Tesla vont faire surface. Et voilà. Peut-être qu'il sera réhabilité. Mais ça, c'est aussi le travail des sciences qui doit être fait pour réhabiliter Nikola Tesla. Ouais. Voilà, en tout cas, les travaux de Nikola Tesla qui vont donner certainement encore bien du grain à moudre aux scientifiques contemporains. Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous recommande les deux livres que je citais au tout début de cette émission. L'homme qui inventa le XXe siècle, Nikola Tesla, le génie oublié de l'électricité par Robert Lomas, et l'homme qui a éclairé le monde, Nikola Tesla. Son nom a inauguré une ère nouvelle dans les progrès de la science électrique. De cette œuvre a jailli une révolution. C'est le long sous-titre. Ces deux biographies sont publiées aux éditions Un Infini Cercle Bleu. Vous pouvez également retrouver l'autobiographie de Nikola Tesla, Mes Inventions, un petit livre Un Infini Cercle Bleu, qui est assez éclairant sur le génie du personnage. Mille merci à vous deux, mille merci Hilarion Pavel, merci également Gérard Borvon. Je rappelle vous, votre histoire de l'électricité, de l'ambre à l'électron, aux éditions Vuibert. Et puis un grand merci à nos camarades de France Bleu Brésisel à Quimper pour le duplex. Merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Ève Etienne, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Anthony Thomasson et au droit d'auteur Jean-François Souvilly. Demain, c'est notre vendredi science-fiction, comme un vendredi par mois. Pour le scénario que nous avons choisi, nous nous plongerons dans ce présent alternatif où un astéroïde de bonne taille fonce droit vers notre belle planète. Que faire ? Allons-nous tous mourir carbonisés ? Avons-nous les moyens d'empêcher l'impact ? Réponse demain, dans un instant, dernier LSD de la semaine, dernier paysage, les cathédrales d'acier et le paysage post-industriel de Lorraine. Par Camille Jusa et Perrine Cavran, on se retrouve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.